Le vendredi 16 décembre, ici Dominique Lelièvre et les informations. Plus de 300 résidents de Lac-Beauport sont touchés par un avis d'ébullition de l'eau. La municipalité prend ses mesures après que l'on ait appris hier que la qualité de l'eau d'une centaine de maisons dans le secteur de l'école Montagnac puisse avoir été compromise. Une erreur dans un raccordement de tuyaux de cette nouvelle école ouverte depuis 4 mois pourrait avoir contaminé les puits artésiens des résidents. On ignore combien de temps cet avis pourrait durer. Des techniciens spécialisés doivent procéder à des analyses dans les prochains jours. La municipalité et la direction de l'école refusent de s'avancer pour le moment sur d'éventuels recours judiciaires qui pourraient être intentés. À Québec, la Ville de Québec et la maison Lobrivière se sont entendus pour assurer le fonctionnement du local Le Réchaud pendant encore 3 années au moins. Le local accueille les personnes itinérantes sans discrimination lors des nuits de grand froid. Des boissons chaudes leur sont servies et 2 intervenants sont disponibles, mais aucun lit n'est offert. Contrairement au centre d'hébergement traditionnel, le réchaud présente un très haut seuil de tolérance qui permet à toutes les clientèles de venir se réchauffer. Selon Radio-Canada, le centre, ouvert en février dernier, a déjà ouvert ses portes 34 nuits et accueilli 100 de personnes différentes. Les cégeps et universités québécoises profiteront d'un investissement d'$1 milliard qui a été annoncé ce matin par les gouvernements fédéral et provincial. Cet argent servira à moderniser les installations de recherche. Les premiers ministres Philippe Couillard et Justin Trudeau étaient à Montréal en matinée pour en faire l'annonce et ont présenté une mesure qu'ils qualifient d'investissement historique. En Gaspésie, enfin, la route 132 est fermée à la circulation sur une distance de 60 km, les vents et les importantes marées qui ont sérieusement endommagé ce tronçon. Par endroits, la route s'est affaissée ou des trous immenses ont été observés et la situation serait critique même si aucune municipalité n'est officiellement isolée. La Sûreté du Québec analyse présentement la situation. On mentionne qu'il s'agit d'un lien routier important et que les routes alternatives entraînent de longs détour. Soleil, pluie, neige, vent, tempête, météo. Du soleil pour aujourd'hui, mais c'est froid avec moins 23 présentement et moins 36 avec le refroidissement éolien. Un vent du sud devrait réchauffer un petit peu à partir de la nuit prochaine. Il fera moins 23 cette nuit avec un refroidissement éolien de moins 31. Demain, ben, ça se réchauffe enfin avec un maximum de moins 10 degrés et de la neige. Dimanche, il fera 0 degré et on annonce de la pluie verglaçante.